Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 2 juillet, deuxième jour et dernier jour du brevet. Bon courage à tous, c'est bientôt les vacances, bande de petits vénards. Allez, aujourd'hui nous souhaitons une bonne fête aux Martiniens, ça vient dédié à Mars, un dieu romain de la guerre. Réservé, méfiant et prudent, les Martiniens ne sont pas très à l'aise dans les rapports humains. Derrière leur abord froid et distant se cache une sensibilité douloureuse car difficile à exprimer. Aussi gagnent-ils à être connus. Ils ont peu confiance en eux-mêmes et sont des inquiets, doutant sans cesse, en proie au scepticisme, voire au pessimisme. Peu instinctifs, ces hommes préfèrent s'appuyer sur les démarches sensées de leur jugement. Ils sont souvent intellectuels ou cérébraux et croient davantage en leur effort personnel, leur capacité de travail, leur discipline qu'en la chance pure. Ils ont des principes, une moralité un peu stricte, des scrupules plus ou moins étouffants. Ils manquent souvent de souplesse et d'adaptabilité et tendent à être obstinés. Ils détestent ce qui est artificiel ou léger et en homme stable recherchent la sécurité, notamment sur un plan financier, d'où une nette tendance à l'économie. Ils avancent lentement mais sûrement et ne sont pas ennemis d'une certaine routine, la fantaisie leur faisant parfois défaut. Écologistes dans l'âme, ils sont proches de la nature ou également horreur du bruit, de la foule et recherchent un certain isolement. Ils sont tout à fait favorables, dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Plutôt cartésiens, leur esprit est rationnel et analytique. Ils ont le sens des détails et une lucidité à toute épreuve, car ils aiment garder la tête froide. Pourtant, de par le 7 karmique, ils peuvent parfois être tentés par l'irrationnel, la spiritualité et le monde de l'étrange. Il est vrai qu'ils donnent souvent l'impression d'être des personnages quelque peu énigmatiques. Dicton du jour, à partir du 2 juillet, plus de laine ni de corset. S'il pleut le 2 juillet, tout le mois sera ennuyé. Pas de pluie prévue aujourd'hui, c'est quand même bien dommage. Célébration internationale aujourd'hui au Brésil, à Bahia, c'est la fête de l'indépendance et au Curaçao, c'est la fête du drapeau. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 2 juillet. On passe donc à notre première pause musicale. On écoute Lynn Renault avec Ma Cabane au Canada. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige, elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi, la vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs, toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis née. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages, je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera le paradis, mon chéri. Bon chercher ailleurs, je sais bien que le bonheur, il est là, dans ma cabane, au Canada. Cabane au Canada, signé Lynn Renault sur RGM. Presque 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés en 2 juillet 1922, naissance de Pierre Cardin, couturier, homme d'affaires français. 1928, naissance de Lynn Renault, actrice, chanteuse française, vue dans Ripoux contre Ripoux. Ma femme me quitte, 18 ans après, La maison du bonheur, dans le rôle de Tata Suzanne. Bienvenue chez les Ch'tis, dans le rôle de la mère d'Antoine Bailleul. Ou encore La Ch'ti de famille, dans le rôle de Suzanne. 1945, naissance de Pierre Lescure, journaliste français. 1960, naissance de Terry Rossio, scénariste producteur américain, scénariste d'Aladin, du film Le Masque de Zorro, de la suite La Légende de Zorro, de Shrek, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, Pirates des Caraïbes, Le Secret du Coffre Maudit, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, également déjà vu, Lone Ranger, naissance d'un héros et producteur de Shrek. 1961, naissance de Samy Nasseri, acteur français connu pour son rôle de Daniel Morales dans Taxi 1, 2, 3 et 4 et vu également dans Indigène. 1966, naissance de Jean-François Richet, réalisateur français à qui l'on doit L'Instinct de mort et L'ennemi public numéro 1, diptyque pour lequel il a été récompensé par le César du meilleur réalisateur et réalisateur également d'Un moment d'égarement. 1973, naissance de Thomas Soto, journaliste animateur télé et radio français. 1974, naissance de Flavie Flamand, animatrice télé française et également de radio. 1982, naissance de Xavier de René, DJ français du groupe Justice. 1983, naissance de Michelle Brank, chanteuse américaine. 1985, naissance d'Ashley Tisdale, actrice chanteuse américaine, connue pour son rôle de Sharpay Evans dans High School Musical 1, 2 et 3, vue dans les séries 7 à la maison, Beverly Hills ou encore Charmed. Et dans High School Musical, elle interprète notamment avec le personnage qui joue son frère, pardon, What I Have Been Looking For, dont on écoute tout de suite bien un petit extrait. It's hard to believe that I couldn't see. You were always there beside me. Thought I was alone with no one to hold. But you were always right beside me. This feeling's like no other. I want you to know I never had someone that knows me like you do. The way you do. I never had someone as good for me as you. No one like you. So lonely before I finally found what I've been looking for. Allez, on continue les anniversaires avec en 1986 la naissance de Lindsay Lohan, actrice américaine vue dans Freaky Friday, dans La peau de ma mère, dans le rôle d'Anna Coleman, Le journal intime d'une future star, dans les rôles de Lola et Marie, Lolita malgré moi, dans le rôle de Caddy Aaron, La coccinelle revient, dans le rôle de Maggie Payton, The Holiday, Murphy mode d'emploi et à la télé dans Ugly Betty ou encore Glee. 1990, naissance de Clara Alvarado, actrice espagnole qui interprète le rôle d'Ariana Cascales, une otage dans la célèbre série télé La Casa de Papel. C'est également l'année de naissance de Margot Robbie, actrice australienne, vue dans Il était temps, Le loup de Wall Street, dans le rôle de Naomi Lapaglia, Diversion, dans le rôle de Jess Barrett, en 2016 dans Tarzan, dans le rôle de Jane Porter, Suicide Squad, dans le rôle d'Arlene Quinzel, alias Harley Quinn. En 2018, elle fut à l'affiche de Mary Stuart, reine d'Écosse, dans le rôle de la reine Elisabeth Ière. Elle sera bientôt à l'affiche du film tant attendu de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, où elle interprétera le rôle de Sharon Tate. En 1566, décédé Nostradamus, médecin astrologue français pratiquant l'astrologie, il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde. En 1778, décédé Jean-Jacques Rousseau, écrivain philosophe suisse. En 1961, décédé Ernest Hemingway, écrivain américain, prix Nobel de littérature en 1954. Parmi ses œuvres principales, nous pouvons citer Les Neiges du Kilimandjaro, Pour qui sonne le glas, ou encore Le vieil homme et la mer. Et en 2016, on apprenait le décès de Michael Cimino, réalisateur américain, à qui l'on doit Voyage au bout de l'enfer, récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur, L'année du dragon, César du meilleur film étranger, ou encore Le Sicilien. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Justice avec leur titre Dance. Justice sur le 107 FM, presque 8h44, on fait un point météo. La météo. Très belle journée encore ensoleillée aujourd'hui, des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 25 et 27 degrés pour cet après-midi. Mercredi sera une journée ensoleillée également, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés prévus pour demain après-midi. Et jeudi, du soleil, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis et le tournoi de Wimbledon. Et côté féminin, eh bien, nos deux Françaises hier se sont inclinées. Alizé Cornet s'est inclinée en 2-7 face à Azarenka, 6-4, 6-4. Et Caroline Garcia s'est inclinée face à Zhang en 2-7, 6-4, 6-0. À noter également l'élimination de la numéro 2 mondiale, Osaka, qui n'y arrive décidément plus. Elle s'est inclinée en 2-7 face à Putintseva, 7-6, 6-2. Simona Halep, elle s'est qualifiée en 2-7 face à Šašnovič, 6-4, 7-5. A noté l'élimination de Venus Williams en 2-7 par une toute jeune de 15 ans. Pliskova s'est qualifiée en 2-7. Wozniacki s'est qualifiée suite à l'abandon de son adversaire. Sevastova s'est qualifiée en 2-7, tout comme Svitolina. Et à noter que Sabalenka et Vondrousova ont été éliminées toutes les deux en 2-7. Aujourd'hui, Parmentier affrontera Sharapova. Ferro sera opposé à Mertens. Mladenovic affrontera Djatchenko. Il y aura également Kerber face à Maria. Serena Williams s'opposait à Gato Monticone. Berti affrontera Zeng. Il y aura également les matchs de Konta, Stevens, Muguruza, Kvitova, Bertens ou encore Bentic. Côté messieurs, à noter hier l'élimination de Pierre-Hugerbert en 3-7 face à Andersen. 6-3, 6-4, 6-2. Gaël Monfils a abandonné face à son compatriote Hugo Humbert. Monfils a abandonné dans le 5e set. Jérémy Chardy s'est qualifié en 4-7 face à Clizane. 3-6, 6-0, 6-3, 6-4. Benoît Paire s'est qualifié en 4-7 face à Londero. 4-6, 6-4, 6-4, 7-6. Corentin Moutet s'est qualifié en 5-7 face à Grigor Dimitrov. 2-6, 3-6, 7-6, 6-3, 6-1 en 2h58. Novak Djokovic a fait une petite promenade de santé face à Kohlschreiber. Il s'impose en 3-7, 6-3, 7-5 à 6-3. A noter l'élimination d'Alexander Zverev, tête de série numéro 6, qui s'incline en 4-7 face à Vezeli. 4-6, 6-3, 6-2, 7-5. A noter également l'élimination de Tsitsipas en 5-7. Wawrinka, Raonic et Medvedev se sont tous trois qualifiés en 3-7 et Khachanov, lui, s'est qualifié en 4-7. Au programme d'aujourd'hui, un nouveau duel franco-français entre Lucas Pouille et Richard Gasquet. Il y aura également Manarino face à Cilic, Tsonga opposé à Tomic, Simon opposé à Caruso et Barrère opposé à Bublik. Il y aura également Roger Federer face à Harris, Nadal opposé à Sugita, Dominic Thiem face à Sam Querrey. Il y aura également les matchs de Isner, Kyrgios, Nishikori, Fonini ou encore Shapovalov. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec la chanteuse Michelle Branch et le titre All You Wanted. Yeah. Michel Branck sur RGM. Presque 8h51, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vôtre. À 10h30, vous retrouverez Plus belle la vie pour la dernière fois de cette année. Ils reviendront normalement à la rentrée, en tout cas, on l'espère. 13h30, ce sera la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 20h, La parole est à vous avec Michel. 22h, J'aime et je vous le lis avec Dominique. 23h, 20 Flight Rock. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.